Lecture d'enfance. Rudyard Kipling est un des grands écrivains qui eurent du plaisir à écrire pour la jeunesse. Mais quel que soit notre âge, nous avons aussi du plaisir à lire Kipling. On connaît bien entendu le livre de la jungle, on connaît peut-être moins bien les histoires comme ça qu'il écrivit pour sa fille Joséphine en 1902. Aujourd'hui, l'enfant d'éléphant. Oh, can you sew cushions, and can you sew sheets, and can you sing ballads of any goods, and here Marmaddy, and here... Histoire comme ça, de Rudyard Kipling, proposé par Dorothée Noblet, avec François Beaulieu et Med Hondo. Réalisation, Catherine Lemire. Ceci, c'est tout juste le portrait de l'enfant d'éléphant sur le point de cueillir des bananes à un bananier après qu'il fut pourvu de sa nouvelle trompe. Je ne crois pas que ce soit un très joli portrait, mais je ne peux pas le faire mieux parce que les éléphants et les bananiers sont difficiles à dessiner. Les choses rayées derrière l'enfant d'éléphant, c'est un pays marécageux quelque part en Afrique. L'enfant d'éléphant fit la plupart de ses gâteaux de boue avec la boue qu'il trouva là. Je crois que ça aurait plus d'œil si tu peignais le bananier en vert et l'enfant d'éléphant en rouge. L'enfant d'éléphant. Imagine-toi qu'autant jadis, l'éléphant, ô mieux aimé, n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez, noireau, courteau, gros comme une botte, qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec. Or, il y avait un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Cela veut dire qu'il faisait toujours un tas de questions, et il demeurait en Afrique, et il remplissait toute l'Afrique de ses insatiables curiosités. Il demanda à sa grand-tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça, et sa grand-tante l'autruche le cogna de sa dure, dure patte. Il demanda à son gros-oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges, et son gros-oncle l'hippopotame le cogna de son gros, gros pied. Il demanda à sa maigre tante la girafe pourquoi elle avait la peau tachetée, et sa maigre tante la girafe le cogna de son dur, dur sabot. Et il demanda à son oncle poilu le babouin pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu le babouin le cogna du revers de sa main poilue. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait et touchait, et tous ses oncles et tantes le cognaient, ce qui ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant fit une belle question qu'il n'avait jamais faite encore. Il demanda « Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner ?» Là-dessus, tout le monde lui dit « Chut !» à haute et terrible voix, et on se mit à le cogner sans perdre une minute ni s'arrêter. Pendant longtemps. Un peu plus tard, quand ce fut fini, il tomba sur l'oiseau Colo-Colo, perché dans un buisson d'épines. Et il dit « Mon père m'a cogné et ma mère m'a cogné, tous mes oncles et tantes m'ont cogné, de même pour mon insatiable curiosité, n'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner !» Alors l'oiseau Colo-Colo dit avec un cri lamentable « Va sur les rives du grand fleuve Limpopo, il est comme de l'huile, gris, vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Cherche-la. » Dès le matin suivant, comme il ne restait plus rien des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant prit 100 livres de bananes, de la petite espèce courte et rouge, 100 livres de canne à sucre, de la longue espèce violette, et 17 melons, de l'espèce verte craquelée, et dit à tous les siens, « Au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre, pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. » Et tous le cognèrent en cœur une fois de plus, pour lui porter chance, bien qu'il les pria le plus poliment du monde de n'en rien faire. Puis il s'en alla, un peu congestionné, mais pas étonné du tout, tout en mangeant des melons dont il semait l'écorce, parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. Il alla de Grahamstown à Kimberley, et de Kimberley au pays de Kama, et du pays de Kama, il marcha nord-nord-est, mangeant des melons tout le temps, jusqu'à ce que, à la fin, il arriva aux berges du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre, exactement comme avait dit l'oiseau Colo-Colo. Or, il te faut savoir et comprendre bien, mieux aimé, que jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, cet insatiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile, ni ne savait comment c'était fait. Tout ça, c'était son insatiable curiosité. La première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher. « T'excuses, » dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse. « Mais auriez-vous vu rien qui ressemble à un crocodile dans ces parages circonvoisins ?»« Si j'ai vu un crocodile, s'écria le serpent python bicolore de rocher d'un ton de mépris, écrasant. « Qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela ?»« F'excuse, » dit l'enfant d'éléphant, « mais auriez-vous la bonté de me dire ce qu'il mange pour dîner ?» Là-dessus, le serpent python bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et cogna l'enfant d'éléphant de son écailleuse et fouettante queue. « C'est drôle, » dit l'enfant d'éléphant, « car mon père et ma mère, ainsi que mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante la girafe et de mon autre oncle le babouin, m'ont cogné tous pour mon insatiable curiosité, et je pense qu'ici c'est la même chose. » De sorte qu'il prit congé avec la plus grande politesse du serpent python bicolore de rocher, après l'avoir aidé à se reboudiner autour de son rocher. Puis continua, un peu congestionné, mais pas étonné du tout, mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser, jusqu'à ce qu'il posa le pied sur ce qu'il prit pour une souche, au bord même du grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Mais c'était bel et bien le crocodile, ô mieux aimé. Et le crocodile cligna d'un œil, comme ceci. « F'excuse, » dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, « mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans ces parages circonvoisins ?» Là-dessus, le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue hors de la vase, et l'enfant d'éléphant se recula avec la plus grande politesse, car il n'avait pas envie d'être cogné de nouveau. « Viens ça, petit, » dit le crocodile. « Pourquoi fais-tu de ces questions-là »« F'excuse, » dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, « mais mon père m'a cogné, ma mère m'a cogné, sans parler de ma grand-tante l'autruche et de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe qui rue si fort, ni de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent python bicolore de rocher à l'écailleuse et fouettante queue là-bas au tournant de la berge qui cogne plus fort que tout le monde. C'est pourquoi, si cela ne vous faisait rien, j'aimerais mieux ne plus être cogné pour aujourd'hui. » « Viens ça, petit, » dit le crocodile, « car le crocodile, c'est moi. » Et il versa des larmes de crocodile pour montrer qu'il disait vrai. Alors, l'enfant d'éléphant en eut la laine coupée et, tout soufflant, s'agenouilla sur la berge et dit « Vous êtes la personne même que je cherche depuis de si longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner ? Viens ça, petit, dit le crocodile, et je vais te le dire à l'oreille. Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile, et le crocodile le happa par son petit nez, lequel, jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une botte. Je crois, dit le crocodile, et il dit cela entre ses dents. Je crois qu'aujourd'hui, je commencerai par de l'enfant d'éléphant. À ces mots, oh mieux aimé, l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé et il dit, en parlant du nez comme ceci, « Laissez-moi aller, vous me faites mal !» Alors le serpent python bicolore de rocher descendit la berge dardard et dit, « Mon jeune ami, si vous ne tirez pas dès maintenant sur le champ aussi fort que vous pouvez, j'ai grand peur que ce vieil ulstère de cuir à grands carreaux vous précipite en ce courant limpide en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. » Alors, l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira encore, tant et si bien que son nez commença de s'allonger. Et le crocodile s'aplatit dans l'eau qu'à grands coups de queue il fouettait comme de la crème, et lui aussi tira. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger. Et l'enfant d'éléphant se cala sur toutes ses quatre petites pattes et tira encore, et son nez continuait toujours à s'allonger, et le crocodile godilla de la queue comme d'un aviron, et lui aussi tira encore, et à chaque effort, le nez de l'enfant d'éléphant s'allongeait de plus en plus, et cela lui faisait grand mal. Puis, l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser, et il dit, en parlant du nez, ce nez, qui avait maintenant près de 5 pieds de long, « C'est drôle, je n'y tiens plus !» Alors, le serpent python bicolore de roche est descendu sur la berge et se noie en 2 demi-clés autour des jambes de derrière de l'enfant d'éléphant et dit « Vous voyageurs téméraires et dépourvus d'expérience, nous allons maintenant donner pour de bon un peu de haute pression, parce que autrement, j'ai dans l'idée que ce cuirassé à hélice et pont blindé que voilà va compromettre irréparablement votre brillant avenir. » Alors, il tira. Et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira, mais l'enfant d'éléphant et le serpent python bicolore de rocher tirèrent le plus fort, et à la fin, le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop qu'on entendit du haut en bas du fleuve Limpopo. Alors, l'enfant d'éléphant s'assit, raide et dur, mais il commença par dire « Merci » au serpent python bicolore de rocher et fut gentil ensuite pour son pauvre nez qu'il enveloppa tout du long d'une compresse de feuilles de bananier fraîches et laissa pendre au frais dans le grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile et gris vert. « Pourquoi faites-vous ça ?» dit le serpent python bicolore de rocher. « Excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez est vilainement déformé, et j'attends qu'il reprenne son galbe. Alors, tu attendras longtemps, dit le serpent python bicolore de rocher. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. L'enfant d'éléphant resta là, 3 jours, assis, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas, et même, il le faisait loucher. Car, oh mieux aimé, tu as saisi et compris que le crocodile, à force de tirer, en avait fait bel et bien une trompe, telle que tous les éléphants portent aujourd'hui. Vers la fin du 3e jour, une mouche vint qui le piqua sur l'épaule, et avant de savoir ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua cette mouche. « Vantage numéro 1, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Et essaie de manger un peu maintenant. Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha un gros paquet d'herbes, en épousta les racines contre ses jambes de devant et se le tassa dans la bouche. « Vantage numéro 2 !» dit le serpent python bicolore de rocher. « Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici ?»« C'est vrai, » dit l'enfant d'éléphant. Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo et se l'appliqua sur la tête où ça lui fit une belle casquette fraîche qui lui dégoulinait derrière les oreilles. « Vantage numéro 3 !» dit le serpent python bicolore de rocher. « Tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez. Maintenant, si on te cognait, qu'est-ce que tu dirais ?»« Fais excuse, » dit l'enfant d'éléphant. « Mais cela ne me plairait pas du tout. Qu'est-ce que ça te dirait de cogner quelqu'un ?» dit le serpent python bicolore de rocher. « Ma foi, cela me plairait assez !» dit l'enfant d'éléphant. « Eh bien !» dit le serpent python bicolore de rocher, « tu trouveras ce nouveau nez que tu as là fort utile pour cogner les gens. « Merci !» dit l'enfant d'éléphant. « Je m'en souviendrai. Et maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison, rejoindre mon excellente famille et tâcher voir. » C'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui à travers l'Afrique en jouant et folâtrant avec sa trompe. Quand il voulait manger des fruits, il les cueillait à l'arbre, au lieu d'attendre qu'ils tombent comme il faisait auparavant. Quand il voulait de l'herbe, il l'arrachait du sol, au lieu de se traîner sur les genoux comme il faisait auparavant. Quand les mouches le piquaient, il cassait une branche d'arbre et s'en servait en guise de chasse-mouche. Et il se collait une casquette de boue neuve, fraîche et dégoulinante lorsque le soleil tapait. Quand il s'ennuyait de marcher seul à travers l'Afrique, il se chantait des airs dans sa trompe et ça faisait du bruit comme plusieurs fanfares. Il s'écarta de sa route afin de trouver un hippopotame, ce n'était pas un parent, et le cogna de toute sa force pour s'assurer que le serpent python bicolore de rocher avait dit vrai en parlant de sa nouvelle trompe. Par un soir, tout noir, il rejoignit son excellente famille et sa trompe roulée, il dit... « Comment vous portez-vous » Ils furent très contents de le revoir et immédiatement répondirent « Viens ici qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité. »« Pouf !» dit l'enfant d'éléphant. « Je crois, mes braves gens, que vous n'y connaissez rien pour la chose de cogner. Quant à moi, c'est différent, vous allez voir. » Alors il déroula sa trompe et jeta deux de ses parents cul par-dessus tête. « Oh, sac à banane » dirent-ils. « Où as-tu appris ce coup-là ? Et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ?» Le crocodile qui demeure sur les berges du grand fleuve Limpopo, lequel est comme de l'huile et gris vert, m'en a fait cadeau d'un œuf, dit l'enfant d'éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il avait pour dîner et il m'a donné ça comme souvenir. C'est vilain, dit son oncle poilu le babouin. Peut-être, dit l'enfant d'éléphant, mais pourtant c'est commode. Et saisissant son oncle poilu le babouin par une jambe, il le déposa dans un nid d'abeilles. Alors, ce méchant enfant d'éléphant se mit à cogner toute son excellente famille tant et plus, au point qu'ils finirent par avoir très chaud et à se sentir fort étonné. Il arracha à sa grand-tante l'autruche les plumes de sa queue, il prit son autre tante la girafe par une jambe de derrière et la traîna par un buisson d'épines, il fit des peurs à son oncle l'hippopotame en lui soufflant des bulles dans l'oreille pendant qu'il faisait la sieste dans l'eau, mais il ne laissa personne... touché à l'oiseau colo-colo. À la fin, cela chauffa tellement que toute sa chère famille partit à la queue leu-leu vers les berges du grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile gris-vert et tout bordé d'arbres à fièvre pour faire au crocodile l'emprunt de nouveau né. Quand ils revinrent, personne ne cogna plus personne et c'est depuis ce jour-là mieux aimé. Que tous les éléphants que tu verras, sans parler de tous ceux que tu ne verras pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. Ce associer à l'image du Parsi commençant à manger le gâteau dans l'île déserte de la mer Rouge, par un jour de grande chaleur. Et du rhinocéros arrivant de l'intérieur totalement inhabité, lequel, on peut voir que c'est vrai, est tout rocher. La peau du rhinocéros est toute lisse, et les trois boutons qui la boutonnent sont par-dessous, ce qui fait qu'on ne peut pas les voir. Les petits machins en tire-bouchon, sur le bonnet du Parsi, sont les rayons du soleil reflétés avec une splendeur plus qu'orientale, parce que si j'avais dessiné de vrais rayons, ils auraient rempli toute l'image. Le gâteau a des raisins dedans, et la chose en forme de roue sur le devant appartenait à un des chars de Pharaon, du temps qu'il essaya de passer la mer Rouge. Le Parsi l'avait trouvé, gardé pour jouer avec. Le nom du Parsi était Pestongi Bordongi, et le rhinocéros s'appelait Strorx, parce qu'il respirait par la bouche au lieu de par le nez. Quant au fourneau, j'éviterais d'en parler, moi, si j'étais à votre place. Le rhinocéros et sa peau. Or, il y avait une fois, dans une île déserte, des bords de la mer Rouge, un Parsi dont le bonnet reflétait les rayons du soleil avec une splendeur plus qu'orientale. Et ce Parsi vivait au bord de la mer Rouge sans rien de plus que son bonnet et son couteau et un fourneau de cuisine, de l'espèce à laquelle il ne faut jamais toucher. Un jour, il prit de la farine, de l'eau, des raisins, du sucre, etc. et se confectionna un gâteau qui avait 2 pieds de large et 3 d'épaisseur. C'était positivement un comestible superlatif. Ça, c'est de la magie. Et il le mit dans le four parce qu'on lui permettait à lui de se servir de ce four et le fit cuire jusqu'à ce qu'il fût à point et sentît bon. Mais au moment où il allait le manger, voici que descendit à la grève, sortant des déserts inhabités de l'intérieur, un rhinocéros avec une corne sur le nez, 2 petits yeux de cochon et peu de manières. En ce temps-là, la peau du rhinocéros lui allait tout juste et collait partout. Elle ne faisait pas de plis nulle part. Il ressemblait tout à fait à un rhinocéros d'Arche de Noé, mais en beaucoup plus gros, naturellement. Tout de même, il n'avait déjà pas de manière, pas plus qu'il n'a de manière aujourd'hui, ni qu'il en aura jamais. Il dit « Quoi ?» Et le Parsi lâcha son gâteau et grimpa jusqu'au haut d'un palmier, vêtu seulement de son bonnet, d'où les rayons du soleil se reflétaient toujours avec une splendeur plus qu'orientale. Le rhinocéros renversa le four et le gâteau roula sur le sable et le rhinocéros l'empala sur la corne de son nez et il le mangea, puis s'en alla en remuant la queue et regagna les déserts désolés et totalement inhabités de l'intérieur, qui touche aux îles de Mazandéran, Socotora, et au promontoire de l'équinoxe majeur. Alors, le Parsi descendit de son palmier, remit le four sur pied et récita le sloka suivant, lequel, puisque vous ne le connaissez pas, je vais avoir l'avantage de rapporter. Toujours il en cuit à l'imprudent qui chippe les biscuits par le Parsi cuit. Ce qui voulait en dire bien plus long que vous ne sauriez croire. Pourquoi ? Parce que 5 semaines plus tard, il y eut une vague de chaleur dans la mer Rouge, et tout le monde ôta tous les habits qu'il avait sur le dos. Le Parsi ôta son bonnet, mais le rhinocéros enleva sa peau et la jeta sur son épaule comme il descendait se baigner dans la mer. Dans ce temps-là, elle se boutonnait par-dessous, au moyen de 3 boutons et ressemblait à un waterproof. Il ne fit aucune remarque au sujet du gâteau du Parsi, parce qu'il l'avait tout mangé et que jamais il n'a eu de manière, ni n'en aura maintenant ou plus tard. Il se mit à barboter dans l'eau et à souffler des bulles par le nez. Il avait laissé sa peau sur le bord. Bientôt, le Parsi arrive et trouve la peau et sourit d'un sourire qui lui fit deux fois le tour de la figure. Puis il dansa trois fois autour de la peau et se frotta les mains. Ensuite, il alla à son camp et emplit son bonnet de gâteau. Car le Parsi ne mangeait jamais autre chose que du gâteau et ne balayait jamais son camp. Il prit la peau et il secoua la peau et il racla la peau et il l'incrusta de vieilles miettes sèches de gâteau qui grattent et de quelques raisins brûlés tant et tant qu'il y eut moyen. Puis il remonta dans son palmier et attendit que le rhinocéros sortît de l'eau et remit sa peau. Ce qu'il fit, il boutonna les trois boutons et ça le chatouilla comme des miettes dans un lit. Alors, il voulut se gratter et ça devint pire. Alors, il se coucha sur les sables et se roula. Et chaque fois qu'il se roulait, les miettes le démangeaient 10 fois plus. Alors, il courut au palmier et se frotta et se refrotta contre. Il frotta tant et si fort que sa peau fit un grand pli sur les épaules et un autre pli dessous, là où il y avait les boutons. Mais les boutons avaient sauté à force d'être frottés, et il fit d'autres plis tout autour des pattes. Son humeur se gâta, mais c'était bien égal aux miettes. Elles restaient sous sa peau et le démangeaient très fort. De sorte qu'il rentra chez lui très en colère et se grattant tout du long. Et depuis ce jour, tous les rhinocéros ont la peau qui fait de grands plis et un mauvais caractère. Tout ça à cause des miettes qu'il y a dessous. Mais le Parsi descendit de son palmier avec sur la tête son bonnet, d'où les rayons du soleil se reflétaient avec une splendeur plus qu'orientale, emballa le fourneau et s'en alla dans la direction de Rotavo, d'Amygdala, des hautes prairies d'Anantariv et des marais de Sonaput. Histoire comme ça, de Rudyard Kipling, proposée par Dorothée Noblet. Traduction, Robert Dunière et Louis Fabulet. Aujourd'hui, L'enfant d'éléphant et Le rhinocéros et sa peau, avec François Beaulieu et Med Hondo. Prise de son et mixage, Édouard Campras, Philippe Carminati. Assistante, Virginie Vincienne. Réalisation, Catherine Lemire. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.